Bienvenue à notre club de langue française. Savez-vous pourquoi tant de gens disent que la langue française est très difficile? Nous abordons ce sujet dans notre premier cours sur l'écoute en français. Tout simplement dit, le nombre de sons enseignés à l'école est insuffisant. Devenez membre de notre club de langue française. Apprenez à ne pas tomber dans le même piège. Maîtrisez l'écoute en français, la lecture en français, l'interprétation en français et la traduction en français. Ce club et son programme vous sont présentés par Prof JCB Recording Studios au Japon.